Bonjour à tous et à toutes, Very Good Bad Movies numéro 25 déjà, et donc merci de nous écouter. On va parler d'Escobar, le film avec Javier Bardem, on va parler également de Game Night et de L'île aux chiens un petit peu, on va en reparler avec notre cher Vincent. Mais avant tout ça, je vais vous présenter la compagnie qui est là. On n'est pas beaucoup aujourd'hui parce qu'il y a des grèves, parce que tout le monde est un peu occupé, mais on est quand même présent pour vous faire émission. Avec moi Vincent, comment ça va Vincent ? Bonjour à tous, ça va très bien, merci. Qu'est-ce qui t'arrive en ce moment dans ta vie ? Je continue à jouer au Théâtre Espace Marais dans la Var, où je vous invite à venir. Et puis voilà, d'autres projets. On se rend compte quand même qu'il fait une promotion depuis en fait 5 semaines de sa pièce. On joue jusqu'à mi-juillet, donc profite. Avez le temps de vous organiser. Profite bien. Tu es allé voir Escobar, si je ne me trompe pas ? Oui, c'est ça. Est-ce que tu es dans quelles conditions ? Dis-moi, où ? Avec qui ? Comment ? Quand ? Je veux tout savoir, la police. C'est très indiscret tout ça, dis-moi. Tu n'es pas obligé de donner des noms. J'y suis allé avec ma chère collègue. Oui, qui est en face, Estelle. Bonjour Estelle. Donc vous êtes allé voir ensemble Escobar. On se fait comme ça des petites soirées cinéma. Et une autre copine, voilà, donc tu vois, j'étais très bien entouré. Je fais de la chance. Estelle, comment ça va ? Ça va bien. Alors, toi, t'es allé voir Escobar et aussi Game Night, alors. C'est ça. Tu m'as dit que c'était totalement fou et... J'ai bien aimé. Ouais, on prend son pied. On en reparlera, mais... Ok, ouais. Ça marche. Ouais. Alors, normalement, au début d'émission, je dis le box-office, je dis les chiffres, mais nous n'avons pas les chiffres, donc on va passer cette jolie séquence. Nous allons les inventer. C'est ça. Non, mais ça existe. Après, il y a les prévisions, mais je préfère dire les vrais chiffres, donc autant vous dire qu'on ne les a pas, et on les aura sûrement peut-être dans une heure ou deux. Tranquillement. Mais je sais que tu as un débat, parce qu'Estelle me fait signe, elle me dit... Oui, dis-moi. Alors, avant l'émission, c'était le lundi. Oui. Donc, aujourd'hui, on est mercredi, donc les chiffres que tu attends, c'est ceux d'aujourd'hui. On est d'accord. Donc, il y a eu, en fait, en quelques heures. T'es sortie de la... Ah non, mais c'est pas les sorties du matin, c'est les sorties de la semaine dernière jusqu'à... Voilà, donc les sorties du 11 avril, qu'on a et que je t'ai montré tout à l'heure. Et que tu me dis non, que tu veux les sorties d'aujourd'hui. Si j'ai bien vu, tu m'as montré un chiffre cumulé de Taxi 5, c'est quel le chiffre ? Si tu me donnes le chiffre, je te dis oui ou non. Mais si c'est 1,5 million, non, c'était les chiffres de la semaine dernière, on les a déjà cités. Mais on est quand même le 20, on est combien ? On est le 25, non ? Le 26, 27 Le 25, oui, c'est l'anniversaire 25. De mariage de mes parents. Donc en fait, il y a 2 semaines d'écart. Ah oui, je vois ce que tu... Mais en fait, pardon, excusez-moi, je suis décalée dans le temps. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave, voilà. Je te pardonne, il n'y a aucun souci. C'est le soleil qui m'a fait perdre. Joyeux anniversaire, papa et maman, d'ailleurs. Joyeux anniversaire à tes parents. Merci, Vincent. Merci d'avoir éludé ce petit passage gênant. Juste pour rappeler que Gauthier, normalement, va nous rejoindre tout à l'heure pour le blind test. Blind test très spécial, acteur-chanteur. Donc ce ne sera pas des musiques de films, mais ce sera des chansons interprétées par des acteurs et des actrices français-françaises ou américains-américaines. Donc ça va être un grand défi. Alors, il y a des gros dossiers. Franchement, il y a des trucs... Oulololo, je suis allé chercher très très loin. Avant tout ça, donc tout le monde va bien, donc tout le monde a vu des films, donc tout le monde a bien travaillé. Les news de la semaine, je vais commencer par ta news. Tu as eu une news, Estelle, sur Han Solo, le film. Oui, parce qu'en fait, l'acteur principal, oui. Sans faire exprès apparemment, j'ai lu ça aussi, a lâché une info comme quoi il y aurait deux autres opus, en fait, de Han Solo. Voilà, qui avait signé pour deux contrats supplémentaires. Et vu qu'il y a déjà une énorme polémique sur cet acteur qui joue ce personnage mythique, j'imagine que les fans, ils ont très peur, quoi. Déjà, ils ont peur de la sortie du film, du résultat. Bah, déjà qu'on n'a pas vu le premier, oui, qui annonce déjà un peu comment ça va se passer, on se dit d'accord, donc de toute façon, ils prévoient d'en faire deux autres. En même temps, Star Wars marche toujours par trilogie. Oui. Donc c'est pas très étonnant non plus. Non, on peut comprendre. Mais en même temps, j'ai l'impression aussi, c'est un peu les grands groupes aussi, ils font tout ça, c'est de lancer des news un peu pour clairement, ils veulent exploiter un filon dont ils savent qu'ils pourront toujours l'exploiter. Hein. Non mais clairement, il y a énormément de films. On dit en 2019, en 2020, il y aura, et puis après deux ans plus tard, c'est exactement. J'ai un très bon exemple. C'était, ils voulaient faire un biopic sur Freddie Mercury. Ouais. Ça fait exactement, je crois, 7-8 ans. Oui, c'est vrai. Que il y a ça eu tous les acteurs qui sont passés. Sur le casting, et au final, bon, le film là va bientôt sortir normalement, avec l'acteur de Mr. Robot, la série. Donc voilà, mais ça dure longtemps. Et pareil pour le film qui va être à Cannes aussi, Don Quichotte de Terry Gilliam, où il avait tourné une première partie avec Jean Rochefort aussi, et Johnny Depp. Et là, il a retourné en fait son film parce qu'il y a un problème économique par rapport à ce long métrage. Et donc, dans Maman, il va être à Cannes. Mais il y a aussi une grosse polémique aussi, moi ça c'est une autre news, par rapport à ce film, puisque en fait, Don Quichotte, les droits de ce film sont, je crois, d'une autre maison de production. Il y a eu une dispute. Donc, il y a eu séparation entre la maison de production et Terry Gilliam. Le problème, c'est que Terry Gilliam est allé voir quelqu'un d'autre. Ils ont fait ce film donc avec Adam Driver et un autre acteur dont je ne me rappelle plus le nom. Et donc, ce film, le problème, c'est que, bon, il sera à Cannes, ça c'est sûr, mais va-t-il sortir un jour en France, puisqu'il y a les producteurs qui ont un peu porté plainte, puisqu'il y a un problème de droit. Donc, qui produit, les droits, etc. Mais c'est bizarre, cette histoire de droit. Mais non, mais je pense que Terry Gilliam est un peu foufou et qu'il voulait vraiment à tout prix faire ce film, jusqu'au point de ne pas se rendre compte qu'il y a des problèmes de droits. Mais c'est quand même une œuvre qui est dans le domaine public, donc des droits. Non, alors, c'est les droits cinématographiques. Parce qu'en fait, comme ils avaient déjà enclenché des droits, c'est comme s'ils avaient fait un film. Avec une maison de prod. Exactement. Il avait déjà un contrat, en fait. C'est ça le souci. C'est juste ça. Bon, ça, c'est des affaires, j'ai envie de dire, de riches. Hein. C'est des problèmes de riches, comme on dit. Si le film fonctionne très bien à Cannes, je pense qu'il n'y aura aucun souci. Mais j'ai d'autres news qui sont assez intéressantes et je veux avoir votre avis. La première news, c'est qu'il y aura normalement un film produit par Thomas Langman sur Edith Piaf. Encore un film sur Edith Piaf. Donc après La Môme avec Mario Cotillard et Edith et Marcel de Claude Lelouch avec Evelyne Bouix. Donc il y aura un troisième film sur Edith Piaf avec la chanteuse Zaz. Donc ce sera une comédie musicale. Non, est-ce que la réaction de Vincent. Moi ma question c'est pas Zaz, c'est plus est-ce qu'on a vraiment besoin de faire un film encore sur Edith Piaf? C'est une bonne question. Bah toujours pareil, c'est exploiter un filon dont on sait qu'il est toujours exploité. Exactement. Il n'y a pas assez de personnes connues en fait ou qui ont marqué l'histoire, que ce soit de l'art ou de l'histoire en règle générale. Il y a énormément de choses. Il faut refaire les mêmes films, enfin pas les mêmes films, mais sur les mêmes histoires. Bon. Enfin, on dit ça, mais on va parler de Pablo Escobar. Moi, je veux bien qu'il refasse un biopic sur Dalida, parce que j'ai vu le biopic Dalida là, il y a 2-3 ans. Oui. J'ai aucun problème avec le film, hein, il est pas mal. Hein. Mais il faut en refaire un quand même. Ah parce oui. que voilà. Donc, la personne ne ressemble pas à la personne. Non, c'est vrai. À la personne originale. Bah comme Zaz. À la personne d'origine. Ah non, mais après maquillage, je pense que ça peut faire. Mais bon, c'est vrai que Marion Cotillard, à la base, elle ressemble pas trop à Edith Piaf. Mais, ça l'a fait quand même. Oui, franchement, oui, c'était bien. Voilà, donc appel au réalisateur, au producteur, au scénariste. Oui, pour un peu d'originalité. Il y a un filon à utiliser. Mais moi je suis content quand même, une comédie musicale ça fait du bien. On n'en a pas assez quand même. Oui, mais avec Zaz quoi. Non, mais après c'est les goûts et couleurs. Tu vois, on aurait pu prendre n'importe qui aussi. Mais j'ai un peu de mal avec les comédies musicales des fois quand même. Ah bon ? Ouais. Bah, pourtant il y en a très peu quand même qui sortent. Il y a eu The Greatest Showman là récemment. Et La La Land, c'est tout. Il n'y en a pas. Tu vois par exemple The Greatest Showman, j'ai adoré. Et La La Land. Mais après ça, c'est oui, je peux comprendre. Non, mais c'est le fait. Mais c'est bien quand même que. Musicale, voilà, en fait. Bah, on en crée quand même. C'est quand même. C'est pas ton truc. C'est en fait, c'est la façon comment le chant est amené sur l'écran. Ça fait très... par exemple, à La Land, il y a genre coupure, et hop, d'un seul coup, ils se mettent à chanter. C'était un peu... C'est Disney. Ça, j'ai les du Disney mal, aussi. Tu vois. Que dans The Greatest Showman, c'était un peu plus fluide. Et du coup, là, pour moi, ça passe. Bah, Damien Chazelle, le réalisateur de... La Land, était un grand fan... des parapluies de Cherbourg, tout ça, de tout l'univers avec Catherine Deneuve, etc. Oh, il y a quand même des bijoux en comédie musicale. Hein. Exactement. Mais c'est vrai que je suis un peu d'accord avec Estelle. C'est rare qu'une comédie musicale soit réussie, surtout en France. Les anciennes comédies musicales, ça le faisait pas. Je pense, je sais pas, il y a quelque chose qui a changé peut-être de nos jours. Peut-être qu'on s'entraîne moins, du coup on sait moins les faire. Mais alors moi je suis pas du tout d'accord avec vous parce que j'ai l'impression que c'est comme si vous étiez lassé. Alors que je trouve qu'il y en a un pas assez et deux, c'est vrai qu'il manque peut-être un peu de folie, un petit peu plus de modernité. Non, je suis pas lassée. En fait, c'est la modernité qui te manque. Non, parce que je regarde Grease, il y a aucun problème, tu vois. Non, mais la modernité de notre époque, vous avez les films qui sortent maintenant. Oui, donc ce que je veux dire, c'est que c'est pas la modernité en soi, c'est comment c'est filmé et comment le chant va être amené. Et souvent, c'est cette rupture juste avant où hop, d'un coup, ils se mettent. Enfin. Et puis qu'il n'y ait pas ce côté gnangnan aussi, parce qu'il y a souvent un côté très gnangnan dans les comédies musicales, voire stupide. Pour citer une comédie musicale que j'ai trouvée très intelligente, c'était Sweeney Todd, par exemple, ah oui, de Tim Burton. Incroyable. Et même au niveau de la qualité de la musique, C'était vraiment très très agréable à écouter. Une comédie musicale gore en plus, donc il fallait le faire. Oui, en plus, oui, multiplication des genres, donc ça, c'était d'autant plus original. Après, la pire comédie musicale que j'ai vue de toute ma vie, c'était une comédie musicale parisienne qui s'appelait Audimat. Sur le monde de la télé, il y avait une dame qui dansait avec un costume en forme de télécommande. Donc, c'est original. Et c'était une comédie pour adultes. Hein, donc, pour adultes. Oui, je veux dire, comédie musicale. Ils n'étaient pas pour chanté. Les enfants. Donc, le déguisement était d'autant plus ridicule. Ma sœur écoute à la radio, elle a 12 ans, s'il vous plaît, un peu de soft, les enfants. On va juste passer à la news suivante. Donc là, si on avait eu Ismaël et Gauthier avec nous, ils auraient été très fans de cette news. C'est Venom, donc on a eu la bande-annonce, ça y est, avec Tom Hardy. Donc moi, je l'ai vu, est-ce que vous avez jeté un petit coup d'œil, toi, Estelle? Alors, je ne l'ai pas vu. Ah, t'as pas vu la bande-annonce, des images, quoi. Non, mais je ne veux pas voir les images. C'est moi, pour ce genre de film, je suis du genre à hop, je cache mes yeux, tu vois, je regarde pas et je laisse passer, ou je switch, ou... Parce que t'es impatiente de ce film, du résultat de ce film? Pas impatiente, mais les bandes annonces en ce moment ont tendance à tout nous dire, donc je veux éviter. Surtout les bandes annonces DVD, je sais pas si vous avez dans les années 2000, quand on achetait un DVD, il y avait au moins 5 bandes annonces avant le menu, je sais pas si tu te rappelles de ça. Et c'était une catastrophe, c'est-à-dire que c'était des bandes-annonces très longues et en fait tu voyais tout le film aussi. Donc c'est pour ça que c'était. Ah oui, ça peut vraiment gâcher le plaisir. Ouais, c'est sûr. Je connais pas Venom. Venom, en fait, c'est le méchant de Spider-Man. C'est le plus grand méchant. Tu avais vu le 3 ? Le Spider-Man 3. Spider-Man 3. Je crois pas. Et ben t'as une. Ça me joue. T'as un extraterrestre virus, en fait, c'est ça qui le contrôle. Voilà. Donc ça joue surtout sur la schizophrénie, sur le dédoublement de personnalité, en fait. D'accord. Voilà. Donc c'est sur la folie, etc. Avec bien sûr un virus dans le corps, etc. Okay. Donc voilà. Autre news aussi pour tous les fans de gros blockbusters, Jumanji 2, c'est officiel, la suite sortira en 2019. Non. À Noël 2019, normalement avec toute l'équipe. Du deuxième épisode, donc on peut dire ça comme ça. Donc avec Jack Black, avec Dwayne Johnson, etc. etc. Je me rappelle très bien, il y a eu un gros clash ici sur l'état de ce film, Jumanji, Bienvenue dans la jungle. Tout le monde avait dit que c'était pas un grand chef-d'œuvre. C'est vrai, c'était pas non plus. Ça n'avait quasiment aucun lien avec l'épisode avec Robin Williams. Okay. Mais en même temps, est-ce que quand même. C'est juste du plaisir, peut-être. C'est juste du divertissement. Faut peut-être pas aller plus loin, non, dans ce film-là. C'est un peu comme Voyage au centre de la Terre, tu vois. Ah, pour moi, c'est plus comme Fast and Furious. C'est-à-dire qu'on en fait un pour en faire un. Non ? Moi, j'avais bien aimé le premier, finalement. J'avais eu très peur en voyant le casting, comme je l'avais déjà dit. Mais oui, comme tu dis, c'est pas forcément un chef-d'œuvre, mais. J'ai trouvé ça bien fait. C'est et s'il y a le, oui, voilà. Et s'il y a le 2, ben je pense que j'irai le voir parce que c'est quand même impressionnant le concept même de Jumanji. Après, c'est clair que pour moi le premier est carrément à un autre niveau, mais c'est quand même intéressant à développer comme concept. Cette immersion dans un jeu en conditions réelles. Récemment, on l'a un peu vu dans Ready Player One. Mais c'est encore autre chose, là c'est la réalité virtuelle dont il est question. Oui, mais c'est le jeu en lui-même, c'est-à-dire que Jumanji c'est de la survie. Dans le film, ils sont pas trop en mode survie, quoi. Ils peuvent mourir, hein. Ah oui, s'ils meurent dans le jeu, ils meurent dans la vie, hein. Donc il y a cette concept du film. Oui, mais je veux dire, il y a pas ce... Bon, après, c'est peut-être parce qu'on s'est rattaché au premier. Je trouvais ça un peu artificiel. C'est ça. Je suis sûr que tu trouvais ça artificiel. Parce qu'on se raccroche un peu au premier. Il n'y a pas ce danger de mort dans la vie réelle. Donc, c'est là que c'est différent, oui. C'est ce que tu voulais dire. Non, ce que je veux dire, c'est que les épreuves qui sont dans le film Jumanji, le nouveau, n'ont rien à voir avec. Alors, c'est clair qu'il n'y a rien à voir avec l'ancien, mais l'ancien, il y avait vraiment où c'était l'enfer. Ah oui, mais l'enfer sur Terre en plus. Hein, donc, pour lui. Que là, il y a un village, il y a des gens, il y a un commerce. Ça fait très jeu vidéo. Du coup, dans le 2, le défi à relever, à mon avis, pour eux, c'est de faire comme ce qu'ils ont fait en passant du 1 au, enfin non, du in, de l'initial, parce qu'on peut pas dire le 1 au 1 du coup, au nouveau 1, c'est qu'on change totalement de dimension. Alors qu'on était dans un jeu de société qui arrive dans la vie réelle, on est passé dans des gens de la vie réelle qui plongent dans un jeu vidéo. Donc là, pour moi, le défi pour eux, c'est de trouver encore autre chose. Oui. Une autre immersion. Oui, oui. Mais c'est vrai que ce qui nous avait plus dérangé, c'était le titre Jumanji, en fait. Pourquoi relancer cette franchise-là? Pourquoi pas faire un film avec le même scénario, mais avec un autre titre? Parce qu'au final, il n'y a pas vraiment une grande référence à Jumanji numéro 1. Quoi. Surtout qu'ils en font quand même. Donc ça veut dire qu'ils se raccrochent quand même à ce qui s'est passé avant. Pardon pour ma voix, j'ai un peu la voix cassée. Et alors que là, bon, c'est des petites références comme ça, mais sans plus. Enfin, ça va pas jusqu'au bout, en fait. Ils ont dû payer des droits sur le. Ouais. Bah c'est pas. En fait, je pense pas. Je pense que c'était. Je crois que c'est Universal, si je me trompe pas. Donc ils avaient déjà les droits, en fait, je pense, de Jumanji, en fait. Donc je crois qu'ils n'ont pas racheté cette franchise. Faut vérifier. Tu sais, à mon avis, dans l'idéal, ils auraient peut-être fait une suite au 1. Et ils ont pas, à mon avis, ils ont pas dû réussir à avoir tous les comédiens. Bah, déjà, le principal, malheureusement, est décédé. Malheureusement, oui. Mais ils auraient pu peut-être convaincre les autres. À mon avis, ça n'a pas été possible. Mmh. Parce qu'il y avait quand même Kirsten Dunst. Kirsten Dunst, elle ne joue pas dans n'importe quelle suite. C'est sûr, elle tourne avec Sofia Coppola, pas avec. On peut comprendre. Elle aurait peut-être pu, mais. Puis il y a peut-être une histoire de public aussi. Mais je pense que c'est beaucoup les enfants qui sont allés voir ce film. Voilà, c'est ça. Mmh. Le public visé, en fait. Mmh. Ils veulent peut-être accrocher la future génération. J'ai vraiment mal. Alors, moi, il y aurait eu une suite concrète de l'initiale. Je serais allé voir le film encore plus. Mmh. Ah oui. Mais ce qui est fort quand même, c'est qu'ils ont déjà réussi quand même à trouver quand même un ton, même si c'est un ton différent du premier épisode, un ton humoristique, un ton comédie, un côté divertissement. Et puis après, je pense qu'ils vont enchaîner. Et leur but, je pense, principal, c'était de faire une saga, en fait, tout simplement. Donc après, la qualité de la saga, on verra ça plus tard. Mais bon, pourquoi pas? On verra bien. Noël 2019. On se donne rendez-vous à Noël 2019. Ensuite, Scarlett Johansson retourne à la chanson. Puisqu'en fait, il y a 10 ans, elle avait collaboré avec le chanteur Pete Yorn. Donc elle retourne et elle va faire un petit album, je crois, des petites chansons avec, je crois, le même chanteur. Elle a une très très belle voix jazz. C'est vrai. Très beaucoup de talent. Et ce qui est dingue, c'est que j'ai écouté la chanson avec Pete Yorn, celle qui date, et je ne l'avais pas reconnue. C'est-à-dire, quand elle passait à la radio ou un peu n'importe où, impossible de donner son nom, j'aurais jamais deviné. Mais c'est ça qui était très intéressant. Et autre news aussi, c'est que Spider-Man 2, alors 2, c'est un peu compliqué, mais disons que la suite de Homecoming, donc voilà, donc ils sont en train aussi de débuter le tournage normalement qui va être en juillet, et en fait ils vont aller un peu partout dans le monde, Paris, Londres, etc. Donc ils vont encore faire sur leur marque de fabrique d'aller à l'international pour que le film se vende après plus tard assez facilement. On va dire, ah tiens, c'est chez moi, ah, tiens, c'est mon pays, ah tiens, c'est... Donc c'est ça qui est intéressant. C'est très américain, puis c'est très intéressant aussi pour les pays. C'est vrai. Est-ce que ça vous dit de jouer à un jeu? Oui. Des anecdotes. Donc je vous dis une anecdote, le but c'est de trouver soit la personne concernée, soit le film concerné. D'accord? Okay. Est-ce qu'on est parti? Mmh. Alors, lors du tournage de quel film un enfant a été vraiment étranglé par le robot de la poupée clown? Chucky? Non. Non. Dans quel film? En fait... Ça? Le réalisateur, je vous donne pas le réalisateur parce que c'est trop facile. Non, c'est pas ça. En fait, le réalisateur... C'est pas ça. Donc tourne le film... tourne le film avec l'enfant, donc il y a une scène où il y a un robot, alors je vous rappelle, le robot clown qui étrangle l'enfant, et le réalisateur se rend compte à un moment donné que l'enfant ne fait pas semblant et qu'il devient tout violet. Il fait un malaise. Et toi, ça te fait rire? Mais oui, parce qu'il est vivant, c'est tout va bien. Drôle. C'est très drôle, il a fait crever. Le réalisateur, c'est Spielberg. Un clown qui étrangle. Et en fait, c'était pas le réalisateur, c'était le producteur. C'est pas Poltergeist, non? Bonne réponse, Poltergeist, ouais. Exactement. Ouais. Je ne l'ai pas vu. Et le film très, produit très par Spielberg. Les années 80. Ensuite, quels sont les deux comédiens qui ont écrit ensemble un scénario? Ils ont fait exprès de glisser dans ce scénario une scène de sexe pour savoir si les gens lisaient vraiment leur scénario. Tout simplement parce qu'en fait, la scène de sexe n'a aucun lien avec le film. Donc, ils savaient que si la personne allait leur poser une question par rapport à cette scène bizarre, donc la personne avait vraiment lu le scénario de A à Z. qui sont ces deux comédiens? Alors, ces deux comédiens qui sont très amis et qu'on voit souvent ensemble. Américain. Deux acteurs amis. C'est deux mecs. Bah, ça doit être les deux comiques, là. Non, c'est pas des comiques. Non, non, parce qu'ils ont, eux, ils ont écrit ensemble. Sinon, la scène de sexe serait passée. Ils ont écrit ensemble un film très connu, réalisé par un grand réalisateur de films d'auteur. Et aussi de films tout public, ça dépend des moments. Le film, c'est Will Hunting. Et en fait, c'était Matt Damon et Ben Affleck. Ah oui. D'accord. Donc oui, en fait, ils ont fait exprès d'intégrer comme ça une scène de sexe qui n'a rien à voir avec le scénario original. Ensuite, quels sont les deux films qui, normalement, auraient dû être le même film? Et le titre aurait dû être Night Skies. Night Skies. C'est encore avec Spielberg. Deux films de Spielberg mélangés, et normalement c'était Night Skies, et en fait au final c'est devenu deux films différents, un réalisé par Spielberg et un autre produit par Spielberg. Et il y a Poltergeist dedans, mais Poltergeist et quel film deviennent Night Skies? Ah, Poltergeist avec un autre film? Ouais. Bah ça doit être Spielberg. Un film d'horreur alors? Non, c'est E.T. Bah, c'est ce que j'allais dire, mais... Enfin, je réfléchissais. E.T. et Poltergeist, normalement, ça devait être Night Skies, et puis le film, en fait, c'est divisé en deux. Ils ont fait de la division en deux. Je pense qu'en fait, Poltergeist, bon, c'est devenu un film d'horreur, entre guillemets. Ah oui. Un film d'épouvante, et puis E.T., un film de science-fiction. Alors, dans quel film Jack Nicholson pointe un vrai pistolet? Vol au-dessus de Nicole. Non, face à un acteur. Et normalement, en fait, le réalisateur n'avait pas demandé un pistolet, surtout pas un vrai pistolet. Oui, j'ai entendu parler de ça. Et Jack Nicholson, en fait, a lu le scénario, a lu la séquence, et il disait non, on n'y croit pas. Et il a ramené un vrai pistolet, oui. Et puis il a pointé ça sur l'acteur, son collègue. Je me souviens plus de quel film. C'est un film de Martin Scorsese. Avec Jack Nicholson. Et DiCaprio. C'est Les Infiltrés. Les Infiltrés. Ouais, c'est dans Les Infiltrés. Il joue dans Les Infiltrés, Jack Nicholson. Ouais. Ouais. Mais si, il joue le maître, entre guillemets, le chef de Matt Damon, qui lui est infiltré chez les flics, et DiCaprio, il est infiltré chez les mafieux. Donc ça fonctionne comme ça dans ce film. Quelle ville a été vraiment inspirée? Non, plutôt, c'est une ville fictionnelle, de fiction, qui en fait s'est inspiré d'une vraie ville, et le film est un film d'horreur. Amityville? Non, l'autre, le plus connu. L'autre En fait, la vraie ville s'appelle Centralia, en Pennsylvanie, j'arrive à le dire. C'est bien, ça nous a laissé du temps pour réfléchir, même si je suis pas sûr que ça ait servi à quoi. Et en fait, chaque personne qui a visité cette ville, en fait, c'est une ville abandonnée, et chaque personne est revenue, et ils étaient assez perturbés, ils étaient pas super chauds d'y retourner. Et c'était pour Silent Hill, donc qui était l'adaptation d'un jeu vidéo, de Xavier Jean, je crois, si je ne me trompe pas. Alors ça, c'est très facile, c'est une anecdote très connue. DiCaprio a joué dans un film, et il s'est blessé la main, mais durant le tournage, il a voulu continuer. Titanic. Non, c'est dans Django. C'est dans Django Unchained. En fait, il s'est brisé la main et à la place d'arrêter la séquence, il a continué. Oui. Et après, ça a été très. J'aime bien, je dis oui, mais en fait, c'est parce que les années ça termine. Une dispute dans sa demeure. Oui, et oui, exactement. Il est très violent, je crois, à son avis. Exactement. Alors ça, c'est une anecdote. Je crois que c'est la meilleure parce qu'en fait, c'est Ben Affleck qui a demandé à un réalisateur si c'était pas plus facile d'entraîner des astronautes à forêt à la place de foreurs aller dans l'espace. C'est Apollo 13. Non. C'est Armageddon. J'adore. Ça, c'est ce énorme. Film. Non, mais c'est énorme parce qu'en fait, Ben Affleck, quand il a lu le scénario, il s'est rendu compte que. Parce qu'en fait, c'est des foreurs qu'on entraîne à aller dans l'espace. Parce que c'est un problème avec une météorite, je crois, c'est ça. Et Ben Affleck dit à Michael Bay, mais ce serait pas mieux, en fait, de prendre des astronautes et de les entraîner à forêt. Alors, en fait, il y a une fameuse... Michael Bay lui répond, ferme ta gueule. Mais c'est dans le film, en fait. L'explication est dans le film. Ah, d'accord. Voilà. Et pour quelle raison? C'est quoi, alors? Dit que lui, ça fait depuis 30 ans qu'il fort, que c'est un art qu'il avait de son père et que c'est de la précision en qualité et qu'en 6 mois, ils peuvent pas apprendre à des astronautes à utiliser... Des fourreuses comme lui il le fait. Voilà, donc si ça se trouve, ils ont changé quelques lignes pour que Bruce Willis fasse son fameux regard assez sympathique. I am the best. Quel acteur a été payé $100,000 pour un film de Tarantino? Et il s'est fait rouler. Ouais. Et en plus, à l'époque, il était super connu, il était super tendance, il était bankable, comme on dit. Et pourquoi il a fait ça? C'est pas Kanye Reeves? Je n'en ai aucune idée. Il est très généreux, Kanye Reeves. Il est généreux? Oui. Il donne beaucoup d'argent aux associations. Non, Tarantino. Si je vous dis scène de danse. Ah, oui, John Travolta. Exactement. Il a été payé que 100 000 dollars. John Travolta. John Travolta, ah, dans Pulp Fiction. Avec Uma Thurman, la scène de danse. Incroyable. En fait, il a été payé que 100 000 dollars. Bah, c'est un de ses premiers films, hein, Tarantino. Oui, mais il était déjà bankable, en fait, à l'époque. Donc, John Travolta, il commençait, oui. Mais Tarantino, oui, c'est ses débuts. Ouais. Alors, petite question. Est-ce que vous savez comment les tenues des Wookiees dans Star Wars, donc Chewbacca et toute sa famille, ont été faites? À partir de quoi? Avec des vrais cheveux. Exactement, ouais. Avec des cheveux humains. Donc quand tu vois les photos, tu fais « Ah ouais, d'accord, ok. » Il y a du travail derrière. Ouais, c'est énorme. C'est surtout que c'est très bien fait. Dans la scène d'ouverture d'un film très connu, je vais vous dire le film Le Parrain, il y a Marlon Brando qui tient un animal sur ses genoux. C'est quel animal? C'est un chat. Et en fait, il faut savoir pour l'anecdote... C'est un chat errant en fait qui était en train de traîner en fait dans les studios, et en fait ils l'ont pris et puis ils ont dit tiens on va te mettre sur les genoux. Marlon Brando aimait beaucoup les chats. Il y a beaucoup de photos de lui avec des chats d'ailleurs. D'accord. Ouais. Donc c'était un passionné de chats. D'accord. Il était très félin lui-même d'ailleurs. Oh. Et d'accord, ça explique Lilo Chien, tu vois. Il faisait partie de ceux qui se sont fait corrompre par le pouvoir des chats. Voilà. Donc, wow, et référence là, un peu trop. Ouais. Vous avez parlé de Marlon Brando dans Lilo Chien. Non. L'île aux chiens, vous avez vu le film? Bah oui. Vous avez compris que c'est les chats qui ont pris le pouvoir? Bah oui. Et ben voilà. Et ben c'était. On va la laisser. C'est non, mais ça fait partie du fameux complot dont tout le monde parle, comme quoi les chats veulent. Mais le chat est un animal très mystérieux, effectivement. En parlant de complot et de manipulation, on va parler du film Escobar avec Javier Bardem. Je dis bien comment ils me regardent les deux, là, comme ils se foutent de ma gueule. Non, j'essaye de trouver une bonne transition pour aller faire Escobar. Avec Javier Bardem et Penélope Cruz, ce duo qui maintenant est un duo qu'on voit de plus en plus, puisqu'ils vont même être à Cannes. Collaboration. Avec Everybody Knows, où ils vont encore jouer ensemble. donc dites-moi, Escobar, Vincent. Oui. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce... Alors, on va peut-être pas raconter l'histoire, parce qu'on a vu plein de promos, et puis bon, juste à dire Escobar, on comprend un petit peu. Oui, donc en fait, c'est un film qui a été réalisé à partir d'un livre qui a été écrit par une journaliste, qui est donc interprétée par Penélope Cruz dans le film. Et ce livre s'appelle Loving Pablo, Hating Escobar. Donc, aimant Pablo, détestant Escobar. Et c'est intéressant parce que cette journaliste est tombée amoureuse du célèbre bandit. Et donc, c'est un biopic, donc, bien sûr, d'Escobar, mais d'après le point de vue de cette journaliste, donc à travers le prisme de cette histoire d'amour, et ce qui donne un biopic très, très original pour le coup. On est assez loin des clichés du vieux biopic de grand bandit. Quoi. Mais d'après la bande-annonce, on voit beaucoup de meurtres, de sang, de carnage, on peut dire ça comme ça. Ah bah oui, il y en a quand même de fait, puisque la vie d'Escobar était semée de crimes. Mais c'est beaucoup appuyé sur ça, crime, hein. Est-ce qu'on, quand tu vois, quand tu arrives à la fin du film, tu dis « c'est un film quoi, un film d'action ?» Non, justement, biopic. C'est pour ça que je dis que ça ne ressemble pas au biopic habituel sur les grands mafieux. Bandits, ouais. Voilà. C'est que l'accent est mis essentiellement sur cette histoire d'amour entre la journaliste et Escobar. Et d'ailleurs, l'acteur Javier Bardem, l'accent espagnol, d'après ce que tu me disais, Estelle peut nous en parler. Oui, en fait, il a toujours voulu interpréter le rôle d'Escobar. D'accord. Il a refusé énormément de propositions parce qu'à chaque fois, c'était des clichés. Par rapport au personnage, on est d'accord. Par rapport au personnage de Escobar, donc ça fait une vingtaine d'années à peu près qu'il planchait sur ce rôle-là. Et donc là, il a été très emballé, puisque justement, ça ne montre pas des clichés, mais une partie de Escobar plus humaine. Pablo. La partie Pablo. Pablo. La partie Pablo. Et même si le film s'appelle Escobar. Inconsciemment peut-être, mais il roule un petit peu, plutôt le réalisateur, le producteur, prennent la vague avec la série Narcos sur Netflix. Ils disent, tiens, et la Casa de Papel aussi. Aussi, mais aussi, ils vont un peu, on va dire, profiter de cet engouement pour ce personnage. Bah, c'est un engouement qui, oui. Mais de toute façon, l'engouement, il est généralisé. Il y a un engouement depuis global toujours, par rapport aux grandes figures de la mafia. Bah oui, que ce soit Bonnie and Clyde, Meryn, etc. Les gens sont fascinés par ce genre de personnages qui font fantasmer les femmes et qui font rêver les hommes aussi. Et est-ce que c'est un biopic normal, c'est-à-dire qu'on commence avec l'adolescence d'Escobar, ou est-ce qu'on commence directement dans son univers un petit peu psychédélique? Oui et non. Sa paranoïa, commence... parce qu'il est très connu pour ça aussi, pour cette paranoïa ou cette crainte d'être tué aussi. Hein. Oui, on commence par quand le cartel de Medellín se crée, mm-hmm. Donc juste avant qu'il se crée, l'idée que ça lui vient, et puis comment, puisque la journaliste en fait le rencontre pile à ce moment-là, quand le cartel commence à être officiel. Et à se développer. Et puis après, on va jusqu'à la fin, en fait. Jusqu'au décès de... Enfin, l'assassinat de Escobar. D'accord. Et du coup, on commence vraiment à partir de la rencontre entre la journaliste et Escobar. Donc on n'a pas l'enfance ni l'adolescence. Et la partie histoire d'amour est très importante dans le film ? Est-ce qu'elle est centrale, ou est-ce que c'est juste... Alors, c'est une pas histoire partie... d'amour dans le sens où passion, c'est un plutôt, film voilà. d'amour. Passionne. C'est ça. Mais... ça va être plus... je vois vraiment ce film pour montrer la partie humaine de Escobar. Là, parce qu'on voit le D'accord. monstre, on voit le on tueur... On enlève le mythe, on voit... mais on met le côté humain. Alors, le mythe reste toujours là, puisque D'accord. c'est indéniable, c'était un homme de pouvoir. Il a fait partie de la politique de manière très importante là-bas. Il avait une prise de main sur le peuple, autant le peuple l'aimait, enfin, a commencé par l'aimer, parce qu'il faisait énormément de... Enfin, il rachetait des terrains, il changeait des bidonvilles en maisons normales. Enfin, je veux dire, il faisait le geste vers le peuple jusqu'à la dégression où le peuple le haïssait, mais qui restait quand même un homme avec tellement d'argent, parce qu'il y a la partie argent qui est prédominante aussi dans ce film. Mm-hmm. C'est un peu tout, mais c'est vraiment le côté de comment Escobar, lui, voyait sa vie, comment elle voyait Escobar et comment elle voyait sa vie. Mais c'est plus humain. Alors, je dirais pas que c'est une histoire d'amour, mais c'est la partie humaine, en fait, d'Escobar. Pas le monstre sanglant qui a été la cause de milliers de personnes à travers toute la Colombie. Est-ce que tu as une analyse psychologique dans le film par rapport à ce personnage ? Puisque comme c'est le rôle principal, est-ce qu'on a une explication sur toute sa personnalité, ou il y a toujours des parties un petit peu cachées ou un petit Non, il n'y a pas son explication. Moi, j'ai beaucoup aimé en fait ce portrait, parce que non seulement voilà, on voit l'être humain, dont bien sûr c'est dans une relation amoureuse qu'on voit encore plus l'intimité d'un homme, hein, mais en plus de ça, il y a une dimension philosophique, je trouve, à ce film, parce que Escobar, il posait aussi la question, notamment quand il a voulu commencer à percer en politique, finalement, qui est le plus malhonnête du politique ou du bandit? Parce que comment il a réussi à crever la sphère du politique? C'est qu'il a tout simplement arrosé les partis, il a arrosé les candidats aux élections. Qui ont accepté. C'est comme ça que qu'il a construit un lien et qu'il a pu négocier aussi avec eux. Et notamment, ils expliquent clairement comment ça se passait. Et ça, je pense que c'est un grand travail journalistique aussi, ce film, parce que forcément, il reprend le livre d'une journaliste. Hein, donc, on a tout le détail journalistique aussi. Il parlait notamment des valises. Qu'ils appelaient les valises chaudes, parce que c'était des valises en fait qui déposaient par terre et que les gens ne prenaient pas tout de suite, alors que les hommes politiques étaient là, par exemple, ils se serraient la main, marché conclu, ils déposaient la valise remplie de billets pour conclure le contrat, et l'homme politique disait ah ben non, on la prend pas, on la laisse là, puis quelqu'un passera pour la récupérer. Donc ils appelaient ça les valises chaudes. Et il y a un très beau passage, on va pas tout raconter non plus, mais il y a un très beau passage où Pablo Escobar discute avec ses hommes, ses principaux associés, et il leur dit mais finalement voilà, aujourd'hui, dans la Colombie d'aujourd'hui, avec l'argent on a le pouvoir, on peut tout faire. Donc voilà, tout le monde fonctionne d'après ce système-là, donc pourquoi pas nous ? Et par rapport à... Est-ce qu'il y a Est-ce qu'on raconte son enfance ou pas? Non, pas, non, du, bah, tout. Pas du tout. Ça, ça n'apparaît pas dans, dans le film. Ou est-ce qu'on sait d'où il vient par rapport à sa classe sociale? Parce qu'on sent qu'il évolue durant tout le film, non? Non, on n'a pas, pas du on tout. Pas non, y a pas, non, il n'y a pas d'informations. D'accord, ok. Non, non. En revanche. Est-ce qu'il y a une évolution psychologique quand même dans ce film? Est-ce qu'il est pareil au début qu'à la fin? Non. Ah non, non, non. Non, non, non. Non. Au début, il est très. Il est sûr de lui, mais il est bah, comme un enfant qui a un nouveau cadeau. Je veux dire, il, le cartel s'ouvre. Je veux dire, il y a de l'argent qui arrive. Et puis, y a, c'est 80% de la coke qui va aux États-Unis. C'est la sienne. C'est, c'est 70 à 80 tonnes par mois de coke qui transitent. C'est des chiffres, c'est 30 milliards sur son compte. Enfin, je veux dire, c'est... Il y avait une très grande explication dans le film Barry Seal avec Tom Cruise qui était sorti, oui, je crois, en septembre dernier. Ouais, exactement. Et il y avait cette partie-là avec Escobar qui était très intéressante avec l'explication aussi de, oui, de ce trafic-là. Non, c'était c'est ça. Petit clin d'œil aussi à ce film. Ouais. Oui, oui. Tout à fait. Et puis, il y a aussi quelque chose de très intéressant dans le film, c'est qu'ils expliquent qu'en fait, Escobar, il a dérangé beaucoup les États-Unis, notamment par rapport au fait que. Donc, il faisait entrer la drogue aux États-Unis, mais par contre, l'argent sortait des États-Unis. Et alors qu'avec tous les autres gros dealers et chefs de mafia, de trafic de drogue, l'argent, comme il restait dans les États-Unis, il a porté de la richesse aux États-Unis. Et donc, ils n'ont pas réalisé cette chasse à l'homme qu'ils ont pu vivre avec Escobar. Et il y a d'ailleurs une grosse dimension politique dans le film. Dans le film. Oui. Mmh. Par rapport au traité d'extradition avec la Colombie, les États-Unis, on en parle énormément. Et ça met en place aussi toute cette tension et se dire... Mais il va se faire choper, c'est obligé, c'est les États-Unis contre la Colombie. Et on se rend compte que non, on se rend compte que c'est le FBI et la DEA contre un homme qui pèse 30 milliards, qui aucun de ses pays voisins ne veut lui déclarer la guerre ou l'affronter parce que ils se font liquider sinon. Que c'est, il dit à chaque officier de police, c'est 2 000 $ à chaque, et il monte les prix. C'est à chaque fois que t'es un officier avec un grade au-dessus, c'est 10 000, c'est, et il monte comme ça. C'est, et vu que le peuple est très pauvre. On peut dire que c'est l'argent qui va le rendre fou, entre guillemets, ou pas. Oui, parce qu'il en veut toujours plus, même une question parce de pouvoir. Parce que quand tu me fais cette description avec on donne l'argent, on se fait un petit peu... Il y a un côté un petit peu mafieux, ça me fait penser aussi à un autre film. Alors, il n'y a pas un grand lien, mais avec le monde de l'argent aussi, avec le Loup de Wall Street, où pareil, le personnage principal, oui, de DiCaprio, plus il a de l'argent, et plus il veut encore de l'argent. Donc j'imagine que c'est un peu pareil, oui, aussi pour Escobar. Parce que plus il a de l'argent, plus il a de pouvoir, et c'est plus ça. Il peut écraser ses ennemis, et il a ce côté très... Puis même dans le... Parce que là, on parle de l'histoire, mais il y a un gros travail d'interprétation qu'il y a derrière, autant au niveau de Javier qu'au niveau de Pénélope. Javier, il a fait... L'animal préféré de Escobar, c'était l'hippopotame. Oui. Parce que on n'a pas comme ça l'impression, oh, il bouge lentement, etc. Et pourtant, c'est un tueur. En moins d'une seconde, il te broie les os. Et en fait, c'est vraiment... comme ça qu'il a travaillé le personnage. C'est marrant parce que j'ai pensé qu'il avait travaillé à partir du crocodile, de l'alligator, voilà, mais c'est un peu pareil. Voilà. Il y a une scène où on le voit très bien dans le film d'ailleurs. Tout à fait. C'est ce principe-là où tu as l'impression, tous les autres ils sont agités autour de lui. Lui il est très calme, il ne s'inquiète pas. Par contre, en un claquement de doigts, c'est la guerre. Et c'est lui qui contrôle tout et c'est un monstre en fait. Et au niveau de Pénélope, alors personnellement, j'ai pas trop aimé son interprétation. J'ai trouvé que c'était vraiment too much. Au niveau du travail qu'elle a fait, elle a regardé plus de 800 heures d'interviews et de docu. Donc ça fait beaucoup. Et pourtant, moi j'en ai vu juste quelques secondes et on voit que c'est une femme qui est beaucoup plus posée, beaucoup plus. Qui est présente quand même, qui a un charisme, mais qui est posée, qui est pas. Elle a un sourire important, mais il y a un charisme en fait. D'accord. Alors que là, elle le fait jeu... hystérique là, non? Oui, un peu. C'est les manières, c'est trop, c'est des gestes. Moi, j'ai après, et j'ai voilà. Enfin, c'est trop en fait. Non, mais c'est aussi la féminité latine. Hein. Les femmes latines sont très féminines, très coquettes. Oui, très mais là, c'est dans les gestes, aussi. Dans la façon de parler. Ça, c'est par rapport à la vérité. C'est ça qui te dérange. La véritable personne n'est pas moi, comme ça. Moi, ça m'a gêné. Ça m'a fait sortir plusieurs fois du film. Après, je me suis dit, après toutes ces heures d'interview, peut-être que la vraie journaliste était comme ça. Et quand j'ai vu qu'elle ne l'était pas, je fais bon, c'est dommage. Après, bon, c'est son interprétation, mais ou c'est peut-être le choix aussi du réalisateur. Hein, oui, aussi. Oui, c'est possible. La direction d'acteur, tout ça. Ça mais du coup, oui, pour te rejoindre un petit peu quand même, c'est vrai que ça l'a. La rend un peu bête cette journaliste. Alors oui, c'est que ça. Je pense pas qu'elle soit aussi bête que ça, et c'est dommage qu'ils aient pris ce parti là pouf, entre guillemets, sans manquer oui, de voilà, respect. Ça fait un peu la pouf. En plus, c'est une histoire. C'est pour le coup, on parlait d'histoire d'amour tout à l'heure. C'est vrai que c'est pas une histoire d'amour au sens classique du terme. C'est une histoire d'amour très libérée parce que cette femme a accepté d'être sa maîtresse. Elle n'a jamais exigé de lui qu'il quitte sa femme, par exemple, ou qu'il épouse. Donc c'était une histoire d'amour libre, en fait. Bah, non, mais ce qui choque, c'est qu'elle soit journaliste, en fait. C'est surtout ça. C'est que cette journaliste qui fait. Ça décrédibilise un peu ouais. Son côté un peu léger parce que étant donné que c'est une histoire d'amour libre, si en plus c'est une femme un peu présentée comme étant un peu bête, ça peut oui, ça peut la résumer à un rôle de excusez-moi la vulgarité du terme, mais de salope quoi. Mais c'est ce qu'elle était pour Escobar, il l'a jamais considérée. Bah, je suis pas d'accord. Est-ce que c'était un peu comme ça? Oui, c'est plus complexe, mais d'un côté. Est-ce qu'il l'achetait avec l'argent, cette fille? Ou pas du oui, tout aussi. Ou oui. C'est sa puissance qui. De toute façon, il s'accompagne. Oui, puis elle aimait ça. Elle aimait la richesse, c'était elle aimait. Le pouvoir. Et puis, ça faisait partie apparemment aussi de son travail de journaliste. Parce qu'elle disait très bien, les gens ne me regardent pas pour ce que je dis, mais pour ce que je porte. Et donc voilà, c'était des belles robes, c'était des valises pleines d'argent qu'elle emmenait aux États-Unis puisque l'argent, comme on disait, peut rentrer. Et elle s'achetait des Gucci, des super fringues et elle faisait le transit entre les États-Unis et la Colombie. Donc Est-ce que quand même le duo fonctionne entre les deux, entre ce couple qui est vraiment véritablement un couple et qui ah oui moi j'ai tout il y a une force, oui, il y a quelque chose qui se crée parce que souvent dans le monde du cinéma, qu'il soit français ou étranger, on aime aussi le duo, que ce soit un duo entre deux hommes ou deux femmes ou un duo de potes et qu'on les retrouve, et souvent les deux là on les retrouve, que ce soit dans Vicky Cristina Barcelona ou dans d'autres films. Est-ce que là on est heureux de les retrouver? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se crée? Est-ce qu'il y a une addition qui se fait et c'est deux personnages qui aiment le pouvoir. Donc, il se retrouve en disant « Je possède quelqu'un qui a le pouvoir ». Et donc, par rapport à leur ego, c'est une grosse histoire d'ego aussi, je pense. Hein, mais après, ça va le retomber dessus à elle, de toute façon. Puisque... Faut pas raconter la fin. Bah non. Non, mais bon, à un moment donné, quand tu es officiellement, parce que même si au début, c'est pas officiel, ça c'est très vite, t'es avec le parrain de la mafia et qu'il tue tout le monde, y a un moment donné où ça te fait pas une super réputation non plus. C'est... Ah bah oui. Et par rapport à la réalisation alors, est-ce qu'on a une réalisation originale ou plutôt classique pour un biopic, c'est-à-dire qu'on a de belles images et puis on plutôt enchaîne classique, bien. Moi, j'ai film... pas été très bluffé par la même si j'ai plus vu de la fiction qu'un biopic. D'accord. Donc t'as cru qu'on avait écrit un scénario original alors que c'était une véritable histoire entre guillemets, bien sûr, après oui, parce que je savais consciemment que c'était tiré d'une histoire vraie, ouais. Donc c'est difficile de s'en décrocher, mm-hmm. Mais ouais, c'était, je sais pas, moi ça m'a pas dérangé. Mais vous aimez ça ou pas, les duos comme ça qui reviennent souvent au cinéma? Est-ce que ça vous attire? Moi, ça me on a eu récemment Phoenix et Mara aussi, Rooney Mara, ouais, dans Marie-Madeleine, ouais. Et dans Touhori, par exemple. Est-ce que quand ça revient comme ça, dans si la même année... Si ce sont de bons acteurs, oui. Mais oui, bien sûr. Mais j'irai pas voir un film parce qu'il y a le duo. Ouais. Après, si c'est de très bons acteurs, ils font bien leur job et je me décroche des rôles précédents pour me plonger dans le rôle actuel. Mais là, quand même, quand tu les vois les deux ensemble... Il y a un décalage assez fou, hein, physiquement. Enfin, ils n'ont pas du tout vieilli de la même façon. Ah bah non. Mais, dans quel sens? D'ailleurs, je me suis demandé si Javier Bardem n'avait pas pris du poids pour le rôle. Si, je pense. Une transformation physique, il y a du maquillage. En plus, sachant qu'il s'était inspiré de l'hippopotame, on dirait vraiment un hippopotame. Ah bah il a un sacré bide, alors que tu vois une Penelope Cruz tout à fait fidèle à ses courbes originelles. Mais bon, après, quand tu regardes les hommes de pouvoir, ils ont souvent des belles femmes à leur côté. Ah oui. Donc. C'est vrai. Mais est-ce que là, dernière question, est-ce que ce personnage féminin a quand même une importance? Est-ce qu'elle a une personnalité? Est-ce qu'elle a un rôle majeur dans ce film? Est-ce que tu l'as ressenti comme ça? Oui, parce que c'est son regard quand même. Elle va aussi, par rapport à l'histoire, enfin, avec un grand H, je veux dire, de Escobar, elle va changer certaines choses. Il va y avoir des... Et puis, ça nous permet de voir sa vie privée, en fait, et intime, comment il est. Pas ce que la presse ou la télévision ou les camps dira-t-on. Là, on a vraiment un regard interne sur sa vie. Et donc, c'est cette porte-là qu'elle nous ouvre. Sinon, on l'aurait pas... D'accord. Enfin, on l'aurait pas eu. Donc, est-ce que avant d'aller voir le film, vous aviez eu un intérêt pour ce film? Et est-ce qu'après visionnage, il y a toujours cet intérêt ou on se dit bon, bah c'était un film sympa et puis on passe au suivant? Ou est-ce qu'il vous a marqué en fait, c'est la question. J'aime beaucoup les biopics déjà. Et puis déjà avec Barry Seal, j'avais fait quelques recherches par rapport à Escobar. Donc là, oui, moi j'ai. C'est intriguant, je trouve. Mmh. Et c'est très intéressant de voir à quel point ça peut basculer. Parce que l'ami qui était avec nous pour le film, par exemple, a dit bah, ça n'arrivera jamais en France. Je ne suis pas sûre. Les banlieues chaudes de Marseille, si ce n'est pas déjà fait, ou de Paris, donnent une excuse à une vendetta et ça s'enflamme. Enfin, dans n'importe quel pays. Souvent on dit ça, c'est les autres, mais en même temps. Oui, mais chez nous, en France, en Europe, il y a toujours eu quand même dans l'histoire de l'humanité, des affaires assez. Bah oui, et puis bon. Ça fait partie de l'être humain. Il y a le côté obscur, le côté sombre, dark et gore aussi. Mais du coup, ça nous donne des leçons dans le sens où, c'est comme Hitler. Il a fait plein de bons pour. Ah. Pardon. Il a fait plein de bons pour l'Allemagne au début. Il a remonté une économie. Escobar, il a donné des habitations et un milieu un peu plus sain, des buts à une jeunesse qui était perdue et qui ne savait pas où aller. Et en fin de compte, c'est devenu des monstres. C'est devenu des monstres. Il était déjà, mais... dans le sens où on peut se dire que pendant une crise, quelle qu'elle soit, quel que soit le pays... Faire très attention aux révolutionnaires, quoi. Oui, parce que à la base... Ça me fait penser à Robespierre aussi, hein, 1789, après la Révolution. Robespierre prend le pouvoir et puis il coupe la tête de ses chers collègues, voilà. Et chers amis. Donc le pouvoir rend fou et... Voilà, c'est dans le sens où... Surtout si on est déjà un petit peu fou avant, quand même. Un petit peu. Oui, et puis il y a toujours la pauvreté, il y aura toujours des communautés, des peuples qui font des parties qui vont faire que c'est de l'huile et c'est de l'essence et que tu mets une flamme. Et, est-ce qu'on peut dire aussi que Escobar était un peu extrême dans ses propos, dans sa personnalité et puis dans ses gestes? Et c'est ça aussi qui est dangereux, c'est l'extrême, c'est ne pas être dans le juste milieu, mais être dans... Ah, mais il n'était pas diplomate. Exactement. Il disait ce qu'il voulait. Moi, je n'ai pas ressenti ça à travers le film et l'interprétation de M. Bardem. Au contraire, j'ai vu une personnalité plutôt tranquille, plutôt diplomate, sans trop d'accès scolaire. Alors, certainement qu'il y en a eu dans sa vie, mais en tout cas, le film ne met pas l'objectif sur ça. Je ne parle pas forcément de colère, je parle de... Être diplomate, pour moi, c'est faire des compromis avec la personne, que ce soit à peu près égal, sur un ton où tu respectes l'autre. Escobar, pour moi, quand il parle aux gens, c'est une question de pouvoir. C'est j'ai le pouvoir, tu t'écrases. Bah, en fait, je crois qu'il y a un avant et un après son passage en politique. Oui, tout à fait. Parce que à partir du moment où il a été intégré dans la classe politique, mais que cette même classe politique l'a très rapidement condamné, et exclu. Là, il s'est vraiment senti trahi. Et c'est là qu'on peut se demander, quelque part, si il n'avait pas raison, au fond, puisque il a été intégré, puis désintégré. Mais il est intégré parce qu'il s'est intégré lui-même. Mais c'est parce que parce qu'il a été élu parce que justement tout le bon et tout le bien qu'il avait fait, etc., il était soutenu par le peuple. Puis il a, et c'est surtout qu'il a été soutenu par des, de nouveaux partenaires politiques qui ont accepté ses pots de vin. Donc c'est facile de dire ok, on prend tes pots de vin, on t'intègre, et puis une fois qu'on a encaissé l'argent, bye bye. Oui, mais c'est les politiques ça. Voilà, et donc du coup c'est à partir de ce moment-là qu'il a vécu une énorme trahison. Et que tout a déconné. Et tu me parlais aussi de tout ce qui était un peu genre soit d'accord avec moi ou sinon je te bute. Est-ce qu'on n'est pas aussi dans une certaine tyrannie avec des grandes figures aussi très connues comme Staline par exemple, où il y a cette tyrannie, cette envie qu'on soit tous d'accord avec lui aussi ou pas chez Escobar? Ou est-ce qu'il écoutait quand même l'avis contraire ou pas du tout? Bah, c'était son chemin et puis alors le reste, je bute tout ce qui. Il va t'écouter autour d'une table les sans obstacles. Rien dire. Ouais. Mais s'il n'est pas d'accord, même, quoi, tu sauras très bien. D'accord. J'ai trouvé plutôt honnête pour un grand parti, tu vois. La scène dans le bar, tu le trouves la scène avec le Panama. Enfin, je veux dire, à chaque scène, dès qu'il n'est pas d'accord, il écoute. Non, c'est il pas est calme, ça, c'est que dans le. Bon, on va pas tout spoiler non plus, mais il réprimande des bandits de sa bande. Qui n'ont pas respecté les accords. Donc. T'appelles ça réprimander, toi? Ah bah. Parce qu'il n'est pas d'accord et t'appelles ça réprimander. Après, il faut reconnaître massacrer quelqu'un. On va tout raconter. Oui, il a procédé vraiment à de réels massacres, y compris à l'égard de gens qui travaillaient pour lui. Ça, c'est certain. Mais. Je ne voterai pas pour toi, Vincent. Si tu te présentes aux élections. Non, non, mais il y a des. Par rapport au code. De la mafia, si tu as une taxe à payer et que tu la payes pas, c'est normal que tu sois. Oui, mais là, je parle par rapport aux politiciens, ouais. Par rapport à des gouvernements qu'il a en face de lui, pas par rapport aux membres de sa mafia. Ça, c'est différent. Quand tu fais partie d'une mafia, tu en acceptes les codes. Par rapport à ça, mais de toute façon, c'est évident que Escobar était un criminel. Qu'il ne faut surtout pas faire comme lui, ça on ne peut que le confirmer. Mais voilà, ce que j'ai trouvé intéressant en tout cas pour ma part dans le film, c'est que on interroge continuellement la frontière entre le bien et le mal. Tout à fait. Et ça, c'est le côté humain en fait qu'on a de lui qui justement nous fait poser la question de. Oui, oui, oui. Ouais. Et puis, c'est vrai qu'on, voilà, hein, même en France, effectivement, on peut se demander si le politique est tout à fait blanc ou transparent. Ah bah non, mais on connaît déjà ma réponse. Bah, avec, plus récemment, avec Bolloré, encore un autre exemple. Donc, Oui, on a migré politique. Attention, monsieur est accusé, il n'est pas encore. Oui, il n'est pas encore condamné. Présomption d'innocence, on va dire. Voilà, c'est pas la première affaire qu'on connaît en France. Donc, voilà, on peut s'interroger qui de Escobar ou de. Mais je pense que le Sarkozy, pouvoir, de toute façon, est. Il y a des affaires aussi Sarkozy aussi, il y a plein d'affaires comme ça. Mais oui. Bah là, c'est pareil, dimanche, sur BFM TV, il va y avoir un docu qui va passer sur notre cher président Emmanuel Macron. Oui, oui. Et sur les travers de. Son accession au pouvoir. Voilà. Ah oui, comment il a été financé, c'est ça? C'est ça. Ah oui, toujours ça aussi, ça a été, ça a été un grand débat. Est-ce qu'il y a des grands noms de l'économie et du système capitalistes qui sont derrière tout ça? Non, ça va être intéressant, mais bon. Mais attends, mais vous êtes quand même passé à un autre sujet, mais c'est quand même intéressant. Parlait, mais c'est, lien, c'est pouvoir, le lien avec le pouvoir, l'argent. Bah, vous avez... coup, bah, j'imagine bien, j'imagine bien. J'ai envie de dire aussi de conseiller un spectacle avec Lucchini qui parle d'argent aussi, qui est un très bon spectacle. Ouais. À voir au théâtre, ouais. Je sais pas s'il y a encore, mais à voir au moins quelques extraits ouais, sur internet. On va passer. Alors, malheureusement, on va devoir se quitter vers 19h25. Il nous reste encore quelques minutes. Et on va parler de Game Night. Oui. Estelle, parle-moi de ce film parce que je vais aller le voir demain avec une amie. Donc dis-moi si je vais rire ou pas. Alors là, après, on parle aussi plus du goût, tout de pouvoir et de travers. Ah bah, on parle de jeu là cette fois-ci. On parle de jeu. Alors. De jeu particulier. Non mais dit comme ça, c'est. Ça fait libertin, je sais. Mais non, de jeu entre personnes consentantes et adultes. Voilà, donc ce n'est pas mieux. On parle de jeux de société, ça calme tout de suite les ardeurs de tout le monde. Tu sais, tu pensais que. Et puis non, Monopoly, allez, ouais. Tu sais qu'il y a des dés très particuliers. Oh non. Oui, je sais, j'en ai. Pardon. C'était. Il y a des jeux de société particuliers, j'en connais. Bon, bah là, allons-y. T'en connais, j'en ai pas, voilà, c'est. Ah si tu cherches bien, tu peux le trouver. Oui, oui. Ce n'est pas la question. À faire avec des amis. Ah, c'est le nom du jeu, si tu cherches bien, tu peux le trouver. Ça pourrait. C'est oui. Filon à exploiter. Bah, parlons de ce film alors. Bah alors ce film. Donc nous sommes aux États-Unis. Dans une banlieue résidentielle où, une fois par semaine, le week-end, plusieurs couples d'amis se rassemblent pour jouer à des jeux de société. Et c'est pas pour, c'est pour gagner. Hein. Ils jouent pas, bon, ils jouent pour se voir et tout, c'est bien sympa, mais il y a une réelle compétition. Une réelle compétition entre familles. Voilà. Entre couples, c'est des couples, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et donc chacun avec son caractère, ses particularités, c'est ce qu'on apprécie dans le film. Là, Coubertin, tu le mets de côté. Là, c'est pas l'important, c'est de participer, c'est vraiment, ils veulent... Tout à fait, okay. C'est l'important, c'est de gagner. Et bah, à un moment donné, oui, enfin, quand tu te rencontres chaque semaine. Et donc on du coup, il y en a un on sent la mauvaise joueuse, tu sais. Il y a un nouveau joueur qui va débarquer et qui va créer une soirée un petit peu spéciale où c'est un peu jouer avec la réalité. Et il y a l'un d'eux qui va se faire enlever. Voilà. Et les autres ont des énigmes pour le retrouver. Donc c'est une comédie. Action, comédie, les deux genres mélangés. C'est très bien fait. Avec Jason Bateman. Oui, Bateman. Non, mais parce que c'est un peu... Qui n'a rien à voir non, avec mais je le dis à la française, mais non. Hein, qui n'a rien à voir avec le vrai Batman. Non, d'accord. Pas du tout. Enfin, si tu lui non, mets mais, le costume, non, mais oui. Parce qu'on peut parler de ce, juste de deux minutes, c'est quand même l'acteur le plus bankable dans tout ce qui est humoristique. Dans Comment tu, j'ai tué mon boss, ouais, dans. Tout à fait. Dans, je sais plus, il n'y avait pas un truc Maison à vendre, un truc comme ça aussi. Non, mais il y a plein de comédies comme ça, tu les chopes et tu le vois, il est toujours dedans. Donc, ouais, mais ça lui grand, va bien. Ouais, grand je il est très. C'est très l'américain moyen, en fait. Donc, Oui. Et le fait aussi que. C'est pas, son jeu n'est pas exagéré. C'est la situation qui va nous faire rire, mais c'est pas un jeu exagéré. Bon voilà, bon les acteurs sont très bien. On a Rachel McAdams, on a Kyle Chandler. Qu'on a retrouvé... J'adore ce mec. Ouais. Non, j'adore cet acteur, oui. On a voilà, donc on a toute une bande de bons acteurs avec nous qui nous trimballent. Alors en plus, il y avait des péripéties, mais c'est alors c'est il y a beaucoup de choses qui sont absolument pas plausibles, mais on. C'est pas qu'on y croit, c'est qu'on sait très bien que c'est fait pour pas que ce soit plausible, mais que dans ce film, c'est plausible. Et c'est des comiques de situation, c'est hilarant. Enfin, il y a des. Il y a autant au niveau des répliques, au niveau des situations, au niveau de. Il y a plein de choses qui sont vraiment hilarantes, donc allez le voir, vraiment. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé le film, je vous le conseille. C'est très bien filmé aussi. Il y a des mouvements de caméra qui sont pas du tout des mouvements de qui sont des mouvements de caméra d'action et pas de comédie. Enfin, c'est pas de la voilà, c'est pas de la fiction comédie banale comme on peut trouver. Mais alors je t'avoue que la bande annonce, je la trouve superbe. C'est-à-dire qu'on comprend déjà l'univers humoristique du film, oui. Et surtout on comprend le concept surtout et on a vraiment envie de voir ce que ça donne. Et est-ce que c'est alors juste une petite question. Vas-y. Est-ce que c'est pas trop lourd parce que souvent les comédies américaines c'est très lourd. Alors soit c'est très porté sur le sexe et trop même, ou alors des moments c'est très lourd ou c'est un peu trash pour être trash. Mais est-ce que là vraiment c'est du comique de situation plus? Oui, oui, oui. C'est pas trash pour être trash. C'est pas sexuel pour être sexuel. D'ailleurs il y en a même pas dans le film. Donc enfin un film américain sans un sein qui déborde, c'est magnifique, c'est incroyable. Bon bah ça me dérange pas trop, tu sais. Oui, mais bon, ils mettent la scène pour mettre la scène, alors il y a au bout d'un moment. C'est un petit gros plan. C'est pire dans les films français en général. Oui. Ah oui, les scènes de sexe dans les films français, alors qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait une scène de sexe. Non, non, mais ça c'est magnifique. C'est en film français. Mais j'aime. Après c'est bon. C'est la frustration sexuelle des Français. Il faut qu'on mette un truc. Voilà. Faut qu'on en parle. Et non, c'est vraiment c'est très bien fait. Et ce qui est très bien dans la bande-annonce, tout à l'heure je disais que je voulais pas voir la bande-annonce de Venom. Là on voit pas tout, c'est ça que tu veux dire? On voit vraiment rien. Enfin, on a l'univers du film, on a la base de l'histoire, ça nous donne envie de le voir, on a les personnages, on a un cadre. Mais par contre, il y a plein de choses qui se rajoutent dans le film, quoi. C'est, j'ai trouvé ça génial. Et jusqu'au bout, on est surpris. Bon, y a des choses qu'on s'attend. Mais d'autres, il y a on s'y attend, et puis ça n'arrive pas. Du coup, tu te dis, en fait, ça ne va pas arriver. Et puis ça arrive quand tu ne t'y attends absolument pas. Donc c'est très bien fait. Pour ceux qui vont voir le film, restez jusqu'à la fin du générique, puisqu'il y a une petite scène. Scène, ok, post-générique. Voilà. Intéressant. Bah, merci beaucoup, ça donne très envie. Et franchement, pour une comédie américaine, je sens que ça peut très bien marcher. Ah oui, il y a un petit truc que j'ai adoré. c'est les génériques, ils sont très très travaillés. Autant le générique de début que le générique de fin, ils sont très travaillés, ils sont super bien. Ça fait toujours faits. Plaisir. Et ouais, moi je trouve, parce que tout de suite ça te met dans l'univers. Ah, oui. Il y a le film qui commence, il finit, mais t'es encore dans l'univers. Enfin, il y a un truc où voilà, t'es englobé. Ah, tu veux dire le générique de fin ? Bah, je pensais que tu parlais du générique de début. Les deux. Ah, les deux, d'accord, ok. Les deux sont très travaillés. Mais je t'avoue, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que les génériques de fin, souvent, c'est très pauvre, c'est très oui, mécanique. Voilà, c'est fini. Ça, ouais, c'est vrai que t'as raison, c'est vrai que quand il y a quand même quelque chose à voir ou quelque chose à écouter, c'est beaucoup mieux. Bah, tu regardes les génériques de James Bond, par exemple. C'est exactement ce à quoi je pensais. C'est magnifique. Ah oui. Ça y est, j'ai les chiffres du box-office. Vas-y, dis-nous. Enfin. Alors, vous allez me dire. Première position, Taxi 5 avec 2 165 000 en cumul. Ouais. Donc ils ont quand même dépassé les 2 millions hein, en 2 semaines. Hein. Ensuite, le film de Kev Adams, deuxième position, 248 000. Donc c'était Love Addict, hein, avec aussi oui. Marc Lavoine. Troisième position, la comédie avec Camille Cotin et Camille Chamou. Et Miu Miu aussi, Largué, avec 215 000. Franchement, je pensais pas que ça allait aussi être en troisième position. Ah, j'ai vu la fin. Les trois premiers au box-office. J'ai l'impression d'être au premier tour des présidentielles. Dites-vous que c'est des films français, au moins. Parce que Marine Le Pen est au deuxième tour, quoi. Non, parce que la semaine prochaine, à mon avis, ça va être Avengers. Ah, bah c'est Avengers, 3 millions, quoi. C'est dommage que les Français soient pas curieux, quand même, d'un autre cinéma, d'un cinéma. Ça dépend des jours, j'ai l'impression, ça dépend des moments. Étranger aussi, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont à l'étranger qui sont très belles aussi. Il faut savoir aussi que ça dépend aussi du nombre de copies, donc du nombre de salles. Oui. Aussi, ça joue beaucoup. Hein. Oui. Tout à fait. T'as des films, les comédies quand même sont plus distribuées que des drames déjà. Et puis aussi les films français sont plus distribués puisqu'on protège vraiment à 100%, le CNC fait ça très bien, on protège à 100% le cinéma français et Et puis il y a auteurs. Un côté où moi j'en ai parlé, il y en a qui m'ont dit mais c'est un investissement aller au cinéma. Quand il va, moi ça fait quand il va à 2, 5, enfin en famille comme ça, faut que ça plaise à tout le monde. Et c'est puis vrai. Tu veux voir quelque chose vraiment pour du divertissement quand tu vas au cinéma. Il y a beaucoup de gens qui te disent j'ai envie de rire. Oui. J'ai envie de rire. Ben oui, mais ça se comprend aussi. Et c'est clair on peut rire dans beaucoup de genres différents, même dans le genre dramatique. Il peut y avoir de l'humour aussi. C'est drôle parce que souvent les gens disent on a envie de rire et puis ils regardent des séries télé où il y a des meurtres partout. Ah bah oui. Et puis c'est parce paradoxe. Que c'est ce qu'on nous montre aussi, la majorité ouais. des séries qui on passent à la rire, télé. Il faut voir aussi ce qui fait rire, hein, parce que moi je suis pas certain que Taxi 5 ça me fasse rire. Hein. Oui, mais il y a un côté aussi promotion. Taxi 5, enfin je veux dire, déjà Taxi en lui-même, de 800 dire qu'il y a un taxi salles, dans 800 sort, salles dans toute la France. C'est gigantesque. Mais ouais, c'est énorme. Si tu vois, il y a c'est eu un magnifique film aussi, allemand qui est sorti l'année dernière, Victoria, où c'est 2 heures de plan séquence où il y a eu un travail de fou. Le film est super bien fait, tu décroches pas. Le film est nul à chier. J'ai bien aimé le film, mais il n'y a pas eu beaucoup de copies. Non, le film était une catastrophe. Mais c'est vrai que pour un film d'auteur et un film concept, c'était intéressant quand même. À analyser. Ouais. Bon, tu vois, pour reprendre un beau film, Call Me By Your Name, il n'a pas eu 800 copies. Oui. Il a pas mais eu là, un score extraordinaire, vois, exemple, mais pas mal déjà. En ce moment, enfin, je veux dire, il y a d'autres films qui mériteraient la première place au box office. L'île aux chiens, notamment. Parce que là, je vais vous dire une très mauvaise nouvelle. Escobar, 141 000 spectateurs. Oh alors là, gros bidin. 141 000 pour un film oui, comme tu ça. Vois, ça, c'est pareil. Alors que c'est un et film Game historique. Game Night, 75 000. Et moi, je disais tout à l'heure, ça sent le succès. Ça sent rien du tout. Game Night, on a 75 000. Ah non, là, ils sont bouffés par les comédies françaises. Je suis désolé de le dire, mais les comédies françaises. En fait, mais si tu regardes commercial, la promotion qu'il y a c'est eu commercial. Voilà. Largué. Quand tu vas dans le métro parisien, les affiches sont toutes les 10 mètres. C'est vrai. Ah oui, mais. En même temps, c'est le but de la distribution, ils font leur boulot. Non, mais voilà, non, mais moi, ça me dérange pas. Il y a une histoire de copie, comme tu disais, il y a une histoire de distribution, il y a une histoire d'investissement quand je vais au cinéma. Enfin, la plupart des gens, comme je te disais, qui y vont, ils y vont pas pour voir. Est-ce qu'il y a peut-être une raison ? Alors, attention, je mets ça sur la table, mais il y a de moins en moins de copies version française des films américains au cinéma. D'accord, donc déjà, premièrement. À Paris. Est-ce que les gens qui ont 40, 50, 60 ans, 70 ans jusqu'à 90 vont aller au cinéma peut-être pour voir des choses où ils sont pas obligés de lire, peut-être aussi, des sous-titres. Ah bah oui, il y a des donc ils vont peut-être voir des films français de Paris, naturellement. Parce que quand tu vas en province, à moins d'aller d'un certain cinéma de Lyon ou de Marseille, Oui, oui. Ah, c'est l'inverse. C'est en français. Ah, d'accord. Okay. Oui. Ah, clairement, après, moi, par exemple, tous les films sont en français. Parce qu'on peut dire, nous, à Paris, il y a. Moi, j'en suis content, j'en suis très heureux, j'adore la VO. Mais c'est vrai que pour ceux qui n'aiment pas, ou ceux qui préfèrent la VF. Moi, je ne veux pas juger les films que je n'ai pas vus, comme Taxi 5, Larké, etc. Mais je serais curieux. Bah, les trois sont des films français quand même. Oui. Dans top 3 en France. Je ne peux pas les juger, je ne les ai pas vus. Bon, a priori, ce ne sont pas des films qui m'attirent. Qui t'attirent personnellement. Voilà, en priorité au cinéma. Mais je serais curieux de connaître justement les liens entre le fait d'aller voir ces films, ce genre de films-là, et le fait, par exemple, de regarder de la télé-réalité, le fait de regarder des documentaires, le fait de regarder des films en sous-titré, comme tu viens de le dire. Il y a quand même, en France, il y a quand même, je trouve, un grand défaut à l'égard de la culture, à l'égard des films intelligents, entre guillemets. Je ne veux pas dire qu'une comédie ne peut pas être intelligente, mais c'est quand même, voilà, à côté de films qui peuvent être des chefs-d'œuvre, comme L'île aux chiens, pour moi, c'est un chef-d'œuvre, mais que ces films-là prennent les premières places. Alors, c'est quand même dommage. Sans faire l'avocat du diable, mais il faut savoir aussi qu'à l'époque, dans les années 70-80, on croit que le grand cinéma français était très populaire. En vrai, non. Ce qui était populaire, c'était Louis de Funès, c'était Bourville, c'était les grandes comédies aussi. Ah bah oui. Et les films de Truffaut, par exemple, à part le premier, Les 400 coups, mais c'était des bides. Hein. Pas tous quand même, il y a eu quand même des succès, mais il y a eu beaucoup de bides. Oui. Et les grands cinéastes ont fait d'énormes bides, ah bah et encore actuellement. Bah pourquoi Tarantino a dû payer John Travolta 100 000 euros, c'est pour ça. Parce qu'il ne faisait pas un film comme une grosse comédie commerciale. C'est aussi pour ça. Mais comme tu disais, Vincent, je pense aussi que les médias ont changé. La télé a changé. Par exemple, bon, je parlais de ma soeur tout à l'heure. Moi, quand j'avais son âge, j'arrivais chez moi, je regardais Arte. Parce que j'adorais. Il y avait une curiosité de ma part, mais parce que de toute façon, il n'y avait pas grand-chose de très intéressant. Et à l'époque de ma mère, encore moins. Donc, il y avait un côté culturel qui était et accès à la culture qui était beaucoup plus prédominant. Alors que maintenant, avec les médias, avec Internet, mais tu peux. Bah, combien de chaînes, combien de programmes de télé-réalité il existe, où les gens regardent. Donc, je pense qu'il y a un impact aussi là-dessus. Ce que tu veux me dire, c'est que les gens peut-être font un tri, ils se disent, attends, pour quel film je vais aller payer une séance de cinéma qui est super chère maintenant, parce que je crois que ça a dépassé 10 euros. Oui. Si t'as 40 ans, si t'as pas un truc étudiant, si t'es pas au chômage par exemple, parce que bon, ça, après c'est bien aussi que voilà, les gens qui ont des problèmes puissent bénéficier de réduction. Mais après, quand t'as pas de problème toi, bah, t'as un problème aussi pour payer ta place, parce que c'est vrai que c'est un prix très cher. En famille. C'est scandaleux. Tu vas à 4, ah, c'est énorme. Ça fait 40 euros. C'est scandaleux parce que le cinéma, c'est vraiment un des médias aujourd'hui qui peut vraiment mobiliser les gens d'un point de vue culturel, mais au-delà de ça, d'un point de vue même citoyen et je dirais même politique. Les gens n'ont pas le réflexe d'aller au théâtre ou à l'opéra. À l'opéra, d'ailleurs, c'est beaucoup plus cher. Voilà, c'est pas une question. Mais au réflexe, cinéma, les gens. Bah, les gens, du coup, auraient plus le réflexe d'aller au cinéma si c'était moins cher, bien évidemment. Mais dans l'absolu, ils ont plus le réflexe d'aller au cinéma que d'aller au théâtre ou à l'opéra. Et sachant que l'art fait réfléchir, si c'est au cinéma que la société peut avoir accès à l'art en priorité, bah, baissons les prix. Pourquoi ça n'arrête pas d'augmenter? Du coup, comme tu l'as dit, Estelle, une famille qui va au cinéma aujourd'hui, ça peut coûter 50 euros. Alors qu'une carte UGC, ça coûte même pas 17 euros pour un moins de. Oui, sauf que les UGC, encore une fois, c'est les grandes villes. Aussi, hein. Pâté. Ah oui, après tu parles de oui, tout ce qui est UGC et Gaumont. Bien sûr. C'est vrai. Ça se résume pas. Moi, je parle de Clermont parce que je fais souvent les allers-retours à ma famille, on va au ciné, mais c'est un investissement d'aller au cinéma. Ah oui, oui. Parce que c'est pareil. Et le printemps du cinéma, ça dure quoi? Ça dure 4 jours et c'est fini. Et tous ceux à qui je parle, ils m'ont dit, mais on aimerait bien aller au cinéma. Mais j'ai pas 12 euros à mettre dans une place. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Donc ils font des tris. Ils disent, attends, on va prendre celui-là parce qu'au moins on va se marrer, j'en suis sûr. Oui, mais dans le sens où. Voilà, c'est ça. C'est un événement. En fait, ils vont vers les événements, ils vont pas vers les petits films. Tout à fait. parce qu'ils disent bah ça je vais pouvoir le choper sur internet. Et puis il y a pas de carte, et puis il y a le téléchargement aussi, on en profite aussi, tout le monde en profite aussi de ça, donc voilà, ça joue beaucoup, ça rééquilibre aussi. Il y a pas de carte illimitée partout, et quand donc maintenant le cinéma, on peut dire quand même les gens y vont pour y aller avec des amis ou en famille. Oui. Pour rire, c'est et pour sortie. Déconner peut-être aussi, ouais, plus même, que... même au théâtre, hein, c'est le même problème. Au théâtre, les gens vont beaucoup voir des comédies populaires, voir des, voilà, boulevard, des pièces qui vont les faire rire en théorie. Donc, il t'a en coup de gueule pendant toute pendant 20 minutes là, Vincent. Sur oui, toute la culture française. Ça me désole à chaque fois ce moment du box office, parce que c'est toujours voilà. Après, je te rassure, il y a toujours des surprises, hein, il y a toujours des films d'auteur qui arrivent tout d'un coup à arriver à 1 million. Oui, mais comme tu disais, par exemple, moi, Tonya était à une place très très mauvaise dans le classement. Ça fait pas marché. Ouais. Ce sont de bons films et qui sont visés par d'autres qui sont peut-être un peu moins bons. Estelle avait raison, parce qu'elle dit qu'il y a une transformation, et on voit même dans les festivals, les grands festivals, que ce soit Cannes, Berlin ou Venise, il y a cette transformation, et maintenant les films d'auteurs, ils cherchent quoi? Ils cherchent des prix. Ouais. Ils cherchent de la reconnaissance. Ils cherchent même plus le public, parce qu'on sait que ça peut marcher alors à la télévision, en DVD, mais au cinéma, la place est tellement chère qu'il y aura des complications, voilà. Et que maintenant on fait vraiment des films pour des cinéphiles, quand je parle des films d'auteurs, même si on essaye bien sûr de faire des succès. Donc c'est assez compliqué maintenant. Donc oui, puis je pense que ceux qui font du cinéma indépendant ne veulent pas rester en cinéma indépendant. C'est une question de budget à la base. Mmh. Et donc dès que tu as un prix, ça t'ouvre des portes et des productions. Exactement. Ça t'ouvre à vendre ton film. Donc il y en a vraiment. Enfin, ça se voit même dans les annonces de casting où ils disent le but, c'est faire un festival, c'est de faire la promotion comme ça, parce que de toute façon, sinon, le film sera très peu diffusé ou ça va pas vraiment marcher. Donc vaut mieux, pour avoir une bonne presse, faire un festival et avoir un prix, plutôt que faire 2000 entrées et dire ben c'est une catastrophe, quoi. Après, ça relance le débat. Est-ce que le cinéma, c'est faire le cinéma pour des gens, ou faire du cinéma pour l'art, entre guillemets? Mais c'est plutôt compliqué, c'est là. Parce c'est que pour les deux. C'est tout. C'est pour les deux, on est d'accord. Mais maintenant, actuellement, en 2018, c'est vrai que il y a ce gouffre qui est en train de se creuser, en fait, qui est en train de grandir. Oui, puis tu te rends compte qu'il y a des réalisateurs, peut-être, qui font des comédies qu'ils n'ont pas forcément envie de faire, mais qui vont le faire parce qu'ils savent que ça va marcher. Et ils savent aussi qu'ils vont avoir un salaire aussi à la fin. Exactement. Ça joue aussi. Bon, bah, merci beaucoup tous les deux. Merci Estelle, merci bonne Vincent. Soirée. Merci. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, où là, normalement, on sera bien plus nombreux avec toute l'équipe. Je rappelle toute l'équipe, hein, Gauthier, Ismaïl, Nicolas Le Nouveau, Léa et Tommy, et puis vous deux. Et puis merci d'être venus. Là, on a fait une émission un petit peu plus courte parce qu'on a des petits soucis dans la salle avec du matériel, mais il n'y a aucun souci pour la semaine prochaine. Et puis voilà, donc je vous fais de gros gros bisous, et puis à la semaine prochaine. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, bisous. Bisous.